إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, dans le cours passé, dans l'explication du livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul, on a expliqué la réfutation, ou on a commencé à parler de la réfutation du Cheikh Ahmed al-Najmi, d'un des Ikhwan al-Buhansawi, au sujet de la jizya. Et on a réfuté certaines de ses paroles à ce sujet-là. Maintenant, dans le cours d'aujourd'hui, qui est le cours numéro 15, on va lire d'autres paroles de Al-Buhansawi, mais c'est des paroles qui attraient au sujet du djihad. Et on va lire quelques-unes des déformations de Al-Buhansawi dans son livre et les réponses de Cheikh Ahmed al-Najmi à ce sujet-là, sur la question du djihad en particulier. Et donc, c'est pour faire comprendre juste avant de commencer que chez les Ikhwan, il y a différentes positions par rapport à cette question-là, et souvent c'est des positions extrêmes, dans le sens que on retrouve parmi eux des gens très modernistes, ou bien ceux qui veulent présenter les choses d'une façon un peu soufie là. Et on retrouve en même temps, d'un autre côté, les extrémistes qui penchent vers la voie des Khawarij, qui défendent le terrorisme ou des choses de ce genre. Puis on voit que même ceux qui se montrent comme étant des musulmans qui sont doux et modérés et tout, quand ils parlent de ces questions de terrorisme et tout, ils le dénoncent d'une façon, mais en même temps, ils l'expliquent, ils essaient indirectement de le justifier en expliquant ou en disant, par exemple, que ouais, c'est normal qu'il y ait du terrorisme ou qu'il y ait des choses comme ça parce que il y a trop d'injustice ou des choses comme ça. Puis indirectement, c'est comme s'ils sont en train d'expliquer ou de donner une justification à ces formes d'extrémisme-là. Puis ça, cette attitude-là, c'est très dangereux en fait, d'essayer de justifier ces actes de terrorisme-là, que ce soit les actes de kamikaze ou bien que ce soit les actes de terrorisme d'autre nature. D'essayer de justifier ça ou d'expliquer ça de cette façon-là, c'est une manière dangereuse parce que ça peut mettre dans l'esprit des jeunes ou dans l'esprit de certaines personnes l'idée que malgré tout, c'est pas quelque chose de tout à fait mauvais. Donc c'est important de dénoncer ces principes-là ou ces actions-là et ces attitudes-là et de pas essayer de les justifier banaliser ou de les rationaliser. Parce que même chez les koufars, il y a des gens qui sont en faveur du terrorisme. On a remarqué ça parmi des groupes socialistes et des groupes communistes ou autres, qui considèrent que les Khawarij sont des héros et qu'ils se battent contre l'injustice et qu'ils se battent contre la dictature ou contre des choses comme ça, et ils se révoltent Donc pour eux, ça c'est quelque chose, un acte de courage et de bravoure, et ils vont applaudir ces actes de terrorisme là, puis ils vont essayer de les défendre. Et souvent vous allez trouver ces gens là qui sont pas des musulmans, souvent c'est des communistes chrétiens ou juifs ou autres. Et puis vous allez voir qu'ils vont essayer de dire, comme par exemple, regardez ce qu'ils ont fait en France, la révolution française, ou bien d'autres révolutions qui se sont produites dans le monde. Et bien pour eux, ça c'était des actes qui étaient légitimes, hein, comme la révolution américaine, la révolution bolchevique en Russie et tout. Pour eux, ça c'était des actes de bravoure, puis c'était des actes de courage, et c'était un combat contre, soi-disant, l'injustice ou contre la monarchie. Donc la révolte, la rébellion, toutes ces idées sont valorisées, sont glorifiées chez eux. Hein? Et donc c'est pour ça que lorsque les Khawarij, surtout certains parmi eux qui ont eu une éducation laïque et qui ont eu une éducation occidentale et qui savent très bien s'exprimer en français, lorsqu'ils traduisent les idéologies des Khawarij pour les Européens ou les Occidentaux, ils leur traduisent dans des termes que les Occidentaux acceptent et comprennent, et ils vont même essayer de les rallier à leurs principes en expliquant qu'ils sont en train de combattre pour la réalité, pour la vérité, contre la dictature, contre l'injustice dans les pays musulmans, et ainsi de suite. Et donc il y a beaucoup de groupes de koufars qui se sont ralliés maintenant avec des groupes de Khawarij parmi les musulmans, que ce soit en Occident ou même dans les pays arabes. Et puis ils considèrent que de faire des actes de terrorisme, parfois c'est pas nécessairement mauvais. Et parmi ces koufars là aussi, il y en a qui sont anti-américains, c'est-à-dire ils sont pas des musulmans, et puis on voit qu'ils sont anti-américains. Pourquoi? Parce que pour eux, bien entendu, l'Amérique ou les États-Unis représentent le capitalisme, et pour eux le capitalisme c'est tout ce qui est mauvais. Et bien entendu, on n'est pas par rapport à l'islam, bien sûr, le capitalisme, on sait que il y a beaucoup de choses dans le capitalisme qui sont contraires à l'islam, du fait qu'ils permettent le riba et du fait qu'ils permettent de vendre tout ce qui est haram, ainsi de suite. Ça, bien entendu, c'est contraire à l'islam. Mais et il y a beaucoup d'autres principes aussi, des choses dans ce système-là qui sont contraires à l'islam. Mais en même temps, ça ne justifie pas cette attitude-là de la part de ces communistes-là ou de socialistes-là, parce qu'eux-mêmes, de leur côté, ils ont d'autres formes d'injustice et d'autres formes d'égarement qui font partie de leur système, comme le fait d'imposer la pauvreté à tout le monde, hein, au nom de l'égalité, puis de prendre l'argent des riches injustement, ainsi de suite. Donc on va pas s'attarder à parler des détails de cette question-là, mais c'est juste pour faire comprendre que ces gens-là sont anti-américains, et tout ce qui peut être contre les États-Unis ou nuire aux États-Unis, pour eux c'est quelque chose de bon. Et donc ils vont même défendre les attentats du 11 septembre et essayer de dire que après tout c'était pas nécessairement mauvais, et que s'il y a des gens qui ont eu l'idée de faire ces attentats-là, ça prouve qu'il y a quelque chose. Ça prouve qu'on doit se poser des questions par rapport à qu'est-ce qu'on a fait de mal ou qu'est-ce qu'on a fait d'incorrect, ou soit, ainsi de suite. Donc, mais ils condamnent d'un côté les attentats, mais d'un autre côté, ils essaient de les expliquer ou de les rationaliser. Puis, d'un certain côté, on dirait que ça a fait leur affaire en même temps. Il y en a même parmi les koufars qui se sont réjouis de ces attentats du 11 septembre et autres, et certains égarés parmi les Khawarij également, et parmi les gens qui n'ont pas de connaissance détaillée des principes de la religion musulmane, qui s'attachent à l'islam par un attachement émotif seulement, eux aussi, parmi eux, il y en a qui se sont réjouis. Mais il faut bien comprendre, bien entendu, que d'une certaine façon, c'est pas quelque chose qui est en accord avec l'islam d'agir de cette façon-là. Hein? Bon, si un mal touche les koufars, ça c'est, alhamdoulilah, c'est Allah qui leur donne qu'est-ce qu'il met d'une certaine façon. Comme Cheikh Fawzan, on lui a posé la question, s'il y a un mal qui arrive aux koufars, est-ce qu'on doit se réjouir ou s'attrister? Nous, on est des musulmans, puis qu'est-ce qui arrive aux croyants de triste et de mauvais? On s'attriste de ça. S'il arrive aux ennemis d'Allah quelque chose de mal, on ne s'attriste pas parce que c'est des gens qui ont refusé la vérité qui vient d'Allah. Mais d'une certaine façon aussi, il faut comprendre que si le mal ou l'injustice ou quelque chose qui est contraire à l'islam est fait par des gens qui se disent musulmans au nom de l'islam, et bien là c'est notre devoir de dénoncer ces actes-là et d'expliquer que ces choses-là ne sont pas en accord avec l'islam. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit d'actes terroristes, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de ses ennemis. Et il les punit par ses moyens à lui, de la façon qu'on voit dans sa création, yani. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Et seulement Allah subhanahu wa ta'ala connaît vraiment ses armées. Personne ne les connaît excepté lui. Donc on voit qu'ils sont affectés par toutes sortes de problèmes, soit des tornades, des tremblements de terre, des inondations. Des problèmes économiques et autres, et d'autres choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il punit ceux qui méritent d'être punis et il récompense ceux qui méritent d'être récompensés parmi ses serviteurs. Et parfois il punit même certains de ses serviteurs pour les ramener au droit chemin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, il est le sage, le tout puissant, le juste, le bon, et tout ce qu'il fait, c'est bien entendu toujours avec une grande sagesse et une miséricorde pour ses serviteurs. Donc, ayant dit ça, on va commencer à lire ces principes-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh, il réfute les idées de cette personne qui déforme la réalité ou le sens réel du djihad en essayant de mentionner certains versets, mais en les mentionnant pas en entier. C'est-à-dire, il cite des versets en parlant du djihad, et pour défendre son point de vue, il cache une partie des versets pour essayer de faire croire aux gens quelque chose qui est contraire à la réalité au sujet du djihad. Donc, on va lire, cette parole-là, et c'est parmi les gens qui ont cette tendance plutôt, de vouloir montrer qu'ils sont un islam doux ou bien modéré ou des choses de ce genre, qui veulent interpréter le djihad d'une façon incorrecte, comme de dire par exemple que c'est juste en cas de défense ou des choses de ce genre. Les savants de l'islam, ils ont répondu à ces gens-là que bien entendu il y a un djihad dans le cas de défense, mais le but du djihad fondamental et à la base, après, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas laissé ça comme étant quelque chose qui est seulement en cas de défense. C'est devenu quelque chose qui est obligatoire lorsque les musulmans sont capables de le faire, et que c'est pas seulement en cas de défense. Et il y a aussi il y a d'autres idées, comme les soufis, qui disent que c'est seulement le djihad contre toi-même qui est important, puis le djihad armé ou bien contre les kuffars, ça n'existe pas dans l'islam ou des choses de ce genre. Ça aussi, c'est une autre forme de déformation de la réalité. C'est incorrect de penser comme ça ou de dire ça. Donc nous, l'important pour nous, inshallah, aujourd'hui, comme le cheikh Ahmed al-Najmi il va le dire, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce que Allah il dit, et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est quoi la réalité et la vérité à ce sujet-là. Que ça déplaise ou que ça plaise à certains, ça c'est pas important. C'est juste d'expliquer qu'est-ce qui plaît à Allah et de dire qu'est-ce que Allah a dit et qu'est-ce que c'est cette religion. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit tout à l'heure, il est le sage, le tout-puissant, et il est juste, et il fait d'injustice envers personne. Et tout ce qu'il a légiféré comme législation, c'est une pleine miséricorde et une pleine justice de sa part. Donc, on va commencer maintenant à lire qu'est-ce que Cheikh Ahmed al-Najmi il dit. Il dit: وقد ذكر الآية التي في سورة البقرة الآية 190: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبعد آية من سورة النساء وهي قوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال فلا قتال مع قوم لم يقاتلوا ولا مع قوم بينهم وبين المسلمين عهد ولا مع قوم لا عهد لهم ولكنهم يقفون على الحياد قلت فمن هو الذي يقاتل بعد إذا كان كما قال المستشار البهنساوي فمن هو الذي يقاتل بعد إذا كان ما كما قال المستشار البهنساوي سترى تمويهه العجيب في فهذه الآية أو بعض الآية التي ساقها مرتبطة بالآية التي قبلها قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فانظر إليه اقتطع من الآية الأخيرة الجزء الأخير وهو قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم إلى آخره وهو الذي يخص المستثنين ومن يلتحق بهم كدخول بني بكر في عهد قريش ودخول خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فمثلا بنو بكر لا يقاتلهم المسلمون إلا إن ابتدأوا المسلمين بالقتال وقد ترك الآية الأولى خاتمتها وهي الفاصلة فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وهي عامة في جميع الكفار وتركت وهي قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم من حيث أخرجوكم Donc, le Cheikh, il explique ici, Al-Buhansawi a mentionné les versets 190 dans Surat Al-Baqarah. Donc, le verset 190 dans Surat Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et il a mentionné ensuite, le verset dans Surat An-Nisa, verset 90, mais il a uniquement mentionné une partie du verset, c'est-à-dire la fin du verset, qui dit « Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. » Donc il a mentionné ces deux versets-là. Et puis il s'est arrêté à ce point, à ces versets-là. Il a seulement mentionné ça. Et puis après, il a dit, donc il n'y a pas de combat avec ceux qui ne nous ont pas combattus, ni avec ceux qui ont une entente avec les musulmans, et ni avec ceux qui n'ont pas d'entente non plus, mais qui sont restés neutres, hein, qui sont restés neutres, qui ne nous ont pas combattus. Donc il n'y a pas de combat. Il dit, il n'y a pas de combat excepté avec ceux qui nous combattent et ceux qui ont une entente avec nous. Il n'y a pas de combat, ça oui, ça c'est normal. Puis après, il dit, et même ceux qui n'ont pas d'entente avec nous, de paix, mais qui restent neutres, hein, et qui nous combattent pas. Donc ceux qui ne combattent pas, il n'y a pas de combat contre eux. Ça c'est l'explication de Al-Buhansawi. Et le cheikh il répond et il dit faman huwa alladhi yuqatil. Donc dans ce cas-là c'est faman huwa alladhi yuqatil. Dans ce cas-là c'est qui est-ce qu'on va combattre, hein, selon qu'est-ce que a dit al-mustashar al-buhansawi. Vous allez voir sa déformation incroyable des textes, hein, lorsqu'il a mentionné par exemple le verset dans sourate an-nisa 89, et dans, il a mentionné le verset 90, mais uniquement la fin. Et le cheikh, il mentionne le verset, lui, au complet à partir du début. C'est-à-dire le verset 89 qui est avant, puis le verset qui suit par la suite, le verset 86 en entier. Donc, il mentionne le verset. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les, où que vous les trouviez, où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Et ils vous auraient certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Donc, ça c'est le verset en entier. Et il disait, regardez comment il a uniquement mentionné la fin de ce verset-là, la partie qui dit, par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard, et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Donc, c'est pour dire, le cheikh explique que ce verset-là, c'est la partie du verset qui parle des ceux qui sont une exception par rapport au verdict du combat. Et il dit, c'est comme, par exemple, dans l'entente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les mouchriquins lors de l'entente de Al-Hudaybiyah, le pacte de Al-Hudaybiyah, le Banu Bakr, Banu Bakr avait une entente avec Quraysh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait une entente avec Khuza'a qui était des mouchriquins, et Bani Bakr qui était des musulmans qui étaient alliés avec Quraysh, si je me trompe pas. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Banu Bakr, il ne combattait pas les musulmans, sauf si les musulmans ne combattaient pas Banu Bakr, sauf si eux commençaient en premier à combattre les musulmans. Et donc ils ont uniquement mentionné la fin du verset qui parlait de Banu Bakr, ou bien qui parlait de cette catégorie-là, et ils n'ont pas mentionné le début du verset, hein, qui explique le verdict en entier par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec le combat dans ce verset-là. C'est la partie où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ. Mais s'ils tournent le dos, alors saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Donc c'était pour expliquer que, à propos de ceux-là, c'était ça le verdict. Puis il y avait une partie des gens qui étaient une exception. Mais lui, il a mentionné la partie du verset qui était une exception, comme si c'était une règle générale, hein, et il a caché ou il n'a pas mentionné l'autre verset qui est général pour tous les kuffars. Donc, c'est une façon de déformer la réalité. Lorsque ces gens-là argumentent ou parlent de l'islam, ils vont mentionner uniquement les versets du Coran qui supportent leur position à eux, et ils vont cacher les versets qui répondent ou qui déforment, les versets qui réfutent leur position et qui montrent que, ils sont dans l'erreur. Et ça, c'est pas une attitude correcte pour un musulman d'agir de cette façon-là. Il doit expliquer et dire la vérité aux gens, hein, que ce soit aux musulmans, ou bien si des fois il a expliqué certains sujets à des non-musulmans et qu'il doit leur clarifier les choses, eh bien il ne doit pas mentir non plus ou déformer la réalité non plus. Parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne peut pas la transformer ou la déformer pour faire plaisir aux gens. Si on déforme la réalité et on change la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte des gens ou par peur, ou bien pour essayer de faire plaisir aux gens, alors dans ce cas-là, c'est sûr que yani, on agit d'une manière malhonnête et on ment à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc le cheikh il dit il a abandonné la partie du verset qui était générale au sujet du combat et ça c'est incorrect d'agir de cette façon-là. Donc le cheikh il dit فَأَيْنَ قَوْلُ هَذَا الْمُسْتَشَارِ لَا قِتَالَ مَعَ قَوْمٍ لَمْ يُقَاتِلُوا وَلَا مَعَ قَوْمٍ لَهُمْ عَهْدٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ولا مع قوم لا عهد لهم ولكنهم يقفون على الحياد أو الحياد إذ قلت إن جهاد الكفار دعوة للدخول في دين الله قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقال العلماء الفتنة الشرك وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وقال تعالى وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالقتال لجميع أجناس الكفار مشركين ووثنيين ويهود ونصارى وغيرهم لم يمنع القتال إلا عن المعاهدين حتى يتم إليهم عهدهم ثم يكونون مثل غيرهم هذا إذا لم يحصل منهم غدر ولا خيانة فإن حصل منهم غرض وخيانة كان ذلك نقضا لعهدهم كما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قتال قريش لخزاعة مع بني بكر نقضا لعهدهم معه قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Donc, le cheikh, il explique ici. Donc, comment on peut, par rapport à ce qu'on a lu du verset en entier, comment on peut justifier ou comprendre ou accepter les paroles de Al-Buhansawi, qui était un conseiller, je ne sais pas conseiller de qui ou de quoi, mais le cheikh, il dit qu'il était un mustachar. Donc, mustachar, c'est quelqu'un qui est un conseiller dans un gouvernement ou quelque chose comme ça d'habitude. Et donc, le cheikh, il dit que comment ce conseiller pouvait dire une telle chose alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les choses qu'on a lues dans le verset en entier. Hein? Quand Al-Buhansawi a dit, par exemple, il n'y a pas de combat avec un peuple qui ne nous ont pas combattus et il n'y a pas de combat non plus avec un peuple qui n'ont pas d'alliance ou d'entente avec les musulmans. Et il n'y a pas de combat non plus avec un peuple qui n'ont pas d'entente également ou de pacte avec les musulmans, mais qui restent de côté, c'est-à-dire qui ne combattent pas, hein, ou bien qui sont neutres. Donc, le cheikh, il dit, pour clarifier en fait la réalité du djihad, et c'est quoi la raison du djihad, c'est quoi l'explication, la sagesse derrière le djihad. Il dit, le cheikh, le djihad contre les koufars, c'est pour les appeler et les inviter à rentrer dans l'islam, à rentrer dans la religion. C'est ça le but du djihad. C'est pas pour autre chose que ça. C'est pas pour la terre, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour l'argent des koufars, c'est pas pour leurs biens. Hein? Le but fondamental du djihad, c'est pour la da'wah. C'est ça le but fondamental du djihad. Et en passant aussi, pour faire comprendre en même temps, pour réfuter les idées des koufars qui mentent au sujet de l'islam, à ce sujet-là, ils essaient de faire comprendre que l'islam, et quand ils mentionnent, il y a des koufars par exemple, justement dernièrement je suis tombé même sur un de ces sites-là, où ils font soi-disant une pétition et ils disent qu'ils veulent arriver à faire interdire l'islam officiellement. Et ils se basent sur des versets, par exemple, comme les versets qui parlent du djihad, prenez-les, tuez-les là où vous les trouvez, ainsi de suite. Et ils essaient d'interpréter ça d'une façon contraire à la réalité de ces versets-là. Comme s'ils essaient d'interpréter ça à la manière des djihadis et des takfiris, qui pensent que c'est permis de prendre n'importe quel kafir, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, puis tu le tues comme ça. Et ils ne prennent pas en considération les autres versets et les hadiths qui expliquent ces versets-là. Hein. Et donc ça, c'est une très grave idée de la part de ces gens-là. Comme Cheikh Al-Fawzan et les autres ulama de Ahl-Sunnah et les imams de l'islam depuis tous les temps, ils ont expliqué que le djihad, ça doit être fait avec les dirigeants. Et ça doit être fait avec derrière la bannière d'un dirigeant. Et que tous les musulmans doivent être réunis autour de ce dirigeant-là. Et c'est pas des petits groupuscules qui s'organisent entre eux puis qui décident, soi-disant, d'attaquer à gauche ou à droite ou de faire ci ou ça, comme le font les takfiriyins et les djihadis qui s'organisent en petits commandos, hein, ou en petits groupes, hein, puis qui disent, bon, ça y est, on va faire ci, on va faire ça, et qui pensent qu'en faisant ça, ils vengent l'islam et les musulmans, a'oudou billah. Et ils pensent aussi que il est comme s'ils se disent, ben, si les kuffars ils nous font des actes d'injustice ou des choses de ce genre, donc on a le droit, hein, ils appellent ça les comme collateral damage, ils essaient d'interpréter ça, en français on dit quoi, les dommages collatéraux, quelque chose comme ça, ils essaient d'interpréter ça en voulant dire que oui, dans l'islam, même si on met une bombe quelque part où il y a des innocents, c'est pas grave, parce que si eux, les koufars, ils nous lancent des bombes n'importe comment, ben nous, on a le droit de faire la même chose pour eux. Et ça, c'est, bien entendu, quelque chose qui est contraire aux principes et aux règles de la religion. Et les ulama n'ont jamais justifié ça. Et ces gens-là, c'est pas eux, à eux de décider qui doit combattre et quand on doit les combattre. C'est qui on doit combattre et quand on doit les combattre, mais c'est aux États et aux chefs des États musulmans de prendre cette décision-là, et s'ils voient que c'est possible, qu'ils sont capables de le faire, et que c'est un bien pour les musulmans. Sinon, s'ils voient que c'est pas un bien pour les musulmans et que c'est pas possible de le faire, et qu'on n'a pas les moyens ni la capacité de le faire, et que la paix est mieux pour nous, alors dans ce cas-là, il faut faire la paix avec ces gens-là si on est pas dans la position de le faire. Mais pour les takfiriens, vous allez voir qu'ils se concentrent sur le takfir des dirigeants. Et la raison pourquoi ils se concentrent sur le takfir des dirigeants, c'est pour essayer de justifier leurs actions et leur takfir et leur khuruj et leurs actes de terrorisme. Parce que en disant que les dirigeants sont kuffars, ça, ils pensent que ça justifie pour eux le fait qu'ils s'organisent en jama'at et en groupe. Et étant donné qu'ils disent, étant donné qu'il n'y a pas de dirigeants, donc on s'organise entre nous. Et on fait notre propre gouvernement entre nous. Et on fait notre propre djihad entre nous. On choisit un amir entre nous. Puis c'est lui qui est le chef. Puis c'est lui qui décide on tue qui, on fait quoi, et ainsi de suite. Et ça, bien entendu, c'est une des plus grandes formes d'égarement de la part de ces groupes de Khawarij. Yani, donc, ils se concentrent sur ça pour dire que, premièrement, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente avec les koufars, parce qu'il n'y a pas de gouvernement musulman. Donc, s'ils disent qu'il n'y a pas de gouvernement musulman, ils croient que, par la suite, il n'y a pas d'entente avec les koufars. Et donc, ils croient que tout est permis dans ce cas-là. Hein? Et donc, ça, c'est très dangereux. Et en même temps, non seulement ça, ils attaquent les populations, même dans les pays musulmans. Ils tuent les musulmans, hommes, femmes, enfants, vieillards, sans exception, Yanni, et de façon aveugle. Et comme qu'est-ce qui se passe en Irak et en Afghanistan et ailleurs, une de leurs shubha, c'est justement ça. Ils utilisent le djihad difa, qui est le djihad de la défense, ils utilisent cet argument-là pour dire que, pour justifier ce qu'ils font, en disant que nous, on est en train de se défendre contre un envahisseur ou contre le, contre les non-musulmans. En réalité, ils sont en train de faire une offensive, non pas une défensive, mais ils essaient de dire que ça c'est une offensive, une défensive pour justifier qu'est-ce qu'ils font. Hein? Et non seulement ça, c'est que, comme Cheikh Ubayd al-Jabri avait expliqué, et d'autres chiouks aussi, ils ont dit que, même si c'est dans un pays, par exemple, où il y a, un dirigeant qui a été mis en place par les non-musulmans, il est le dirigeant quand même, et il doit être obéi et écouté dans le bien quand même, pour établir l'équilibre et l'ordre dans la société, pour pas qu'il y ait le désordre et le chaos. Hein? Et donc ceux qui disent par exemple que en Irak ou en Afghanistan, on peut pas, ils veulent pas arrêter de faire sauter les bombes et de tuer les innocents, soi-disant parce que ils disent qu'il n'y a pas de dirigeant, et donc dans ce cas-là, c'est les groupes qui doivent décider qu'est-ce qu'ils doivent faire, et ainsi de suite. Et le chef, il a expliqué que dans des cas comme ça, non. Le dirigeant qui a été choisi, qui a été établi, même s'il a été établi par les koufars, c'est pas grave. Il doit être écouté et obéi dans le bien pour établir un équilibre, une justice, parce que sinon, il n'y a rien qui peut fonctionner dans le pays. Il n'y a rien qui peut marcher, il n'y aura jamais de sécurité. Il n'y aura jamais les gens ne pourront pas pratiquer leur religion comme il faut. Ils ne pourront pas non plus étudier leur religion non plus. Ils ne pourront pas même travailler ou avoir une vie normale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Il n'y a pas d'ordre dans la société. Et donc, ces gens-là, ils se basent sur le takfir des dirigeants pour se permettre de tuer, de faire le désordre dans la société. Hein, et de ne pas reconnaître l'autorité du dirigeant, ça c'est à la base de leur manhaj. Donc c'est la base du manhaj des Khawarij. Hein, pour arriver à semer le désordre, de faire le takfir. Et c'est pour ça donc que celui qui fait le takfir des dirigeants, c'est la première manière pour eux d'arriver à établir leur égarement de cette façon-là. C'est pour ça qu'ils se concentrent uniquement là-dessus et qu'ils parlent uniquement de ça 24 heures sur 24. Hein, c'est comme des chiens enragés, hein, comme le professeur Al-Sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Eh bien, c'est exactement ça qu'ils ont. Là, c'est déjà comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Tatajara fihim al-ahwa kama yajri al-kalabu fi sahibi. Hein? Donc, les passions coulent en eux comme la rage lorsque quelqu'un a été mordu par un chien, il devient enragé, et après, ça y est, il n'y a plus le contrôle sur lui-même, il n'y a plus rien en lui, autre chose que la rage. Eh bien, c'est la même chose avec ces Khawarij-là. Quand ils sont mordus par la bid'a des Khawarij et que cette passion et cette bid'a est rentrée en eux, ils deviennent enragés, ils ne pensent plus, ils ne peuvent plus réfléchir, ils ne peuvent plus comprendre autre chose que cette idée-là. Ils sont comme obsédés par cette pensée-là et cette compréhension-là. Et donc ça, c'est pour réfuter l'idée des koufars en même temps et des Khawarij qui pensent que l'islam ordonne aux gens de tuer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, de cette façon-là. Ça, c'est pas l'islam. L'islam n'a jamais justifié et enseigné de faire des choses pareilles. Hein? Dans l'islam, il y a un dirigeant et il y a une autorité à respecter, il y a des règles à suivre, il y a des conditions. Et l'islam, c'est la religion de l'organisation et des principes et de la justice. Pas la religion du chaos et la religion du désordre et la religion des groupes et des sectes et des gens qui s'organisent en petits groupes qui veulent faire leur propre prendre leur propre décision de qu'est-ce qui doit se passer et qui font couler le sang des innocents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour comprendre bien comme il faut le contexte et les principes. Hein. Donc le cheikh, il dit, par rapport à ça, que le but du djihad, c'est d'appeler les kuffars à rentrer dans l'islam. C'est ça le but fondamental de l'islam, et non pas, comme on a dit tout à l'heure, le territoire ou autre chose de ce genre, l'argent ou des choses de ce genre, non. Le butin ou ainsi de suite, non. Le but du djihad, c'est de faire entrer les gens dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 193 dans Sourate Al-Baqarah. Le verset 193 dans Sourate Al-Baqarah qui dit: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et il explique, le cheikh, que les ulamas ont dit que la fitna, c'est le shirk. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ça veut dire combattez les kuffars, les mushrikines, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de, d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala qui soit pratiquée sur la terre ouvertement. Et il mentionne également le verset 36 dans Sourate Tawbah. Hein? Le verset 36 dans Sourate Tawbah qui est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Et combattez les mushrikines sans exception comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Ok, donc ça c'est l'autre verset que le cheikh a mentionné. Puis ensuite il mentionne un autre verset qui est le verset 29 dans Sourate Tawbah, qui est le verset qui parle des juifs et des chrétiens qui doivent payer la jizya, de combattre ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Hein? Donc, ça c'est un autre verset à ce sujet-là. Et il mentionne également le verset 5 dans Sourate Tawbah. Hein? Le verset 5 dans Sourate Tawbah où Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque, après que les mois sacrés expirent, tuez les mushrikines où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est le verset 5 dans Sourate At-Tawbah. Ensuite il mentionne le verset 14 et 15 dans Sourate At-Tawbah encore, et le verset 14 et 15 qui disent: combattez-les, Allah par vos mains les châtira, les couvrira d'ignominie et vous donnera la victoire sur eux, et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Il fera partir la colère et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Donc ça c'est des versets qui expliquent, le cheikh il dit que ça c'est des versets qui expliquent que le combat est pour toutes les catégories de kuffar et de mushrikin, hein, que ce soit des mushrikin, des idolâtres, des païens, des gens qui adorent des idoles, ou bien des juifs, ou bien des chrétiens, ou bien d'autres parmi les non-musulmans, que ce soit des athées ou autres. Et c'est pas important quelle catégorie de kuffar ou de shirk ils font, mais l'important c'est qu'ils font partie des kuffar et des mushrikin, ou des gens du livre, ceux-là doivent être combattus. Si les juifs et les chrétiens décident de payer la jizya, eux, c'est une classe à part, ils sont épargnés. Mais les autres, hein, c'est seulement s'il y a une entente, hein, avec eux. Donc le cheikh, il dit, il n'y a rien qui... il n'y a pas une catégorie des kuffars qu'on ne peut pas combattre, excepté ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans. Lorsqu'il y a une entente de paix avec les musulmans, on ne peut pas les combattre. Lorsqu'il y a une entente de paix avec les kuffars, que les musulmans ont une entente de paix, une entente et des traités de paix avec les non-musulmans, dans ce cas-là, ils doivent respecter l'entente qu'ils ont avec les kuffars jusqu'à la fin de leur, du terme de leur entente. Par exemple, si l'entente est basée sur un certain nombre d'années, alors ils doivent respecter le nombre d'années d'entente de paix qui est mentionné dans l'entente, dans le contrat. Et sinon, à la fin du contrat, ils combattent. Et comme c'est mentionné dans d'autres versets, si jamais il doit y avoir une annulation du contrat ou quelque chose comme ça, il faut, avant de combattre, avertir les koufars à l'avance si on sent qu'il y a une trahison de leur part ou qu'on craint qu'il y ait une tricherie ou une trahison ou des choses de ce genre de la part des koufars. Et on sent qu'il se prépare peut-être, ou il pense peut-être faire une trahison contre les musulmans, et de trahir leur entente. Alors dans ce cas-là, on a le droit de briser l'entente ou le pacte, sauf qu'avant de le faire, il faut les avertir à l'avance. Fanbuz ilayhim ala sawa. Faites en sorte que vous allez être à égalité avec eux, dans le sens qu'ils vont savoir autant que vous allez briser l'entente. Vous n'allez pas les attaquer et les prendre par surprise. Alors que eux, ils savent que vous avez une entente avec eux. Ils savent que nous, on a une entente avec eux. Puis, du jour au lendemain, on brise l'entente puis on les attaque sans même les avertir. Non, ça, c'est pas l'attitude de l'islam et des musulmans. Quand les musulmans ont une entente et qu'ils vont l'annuler, ils donnent aux non-musulmans un avertissement et ils les informent à l'avance. Et même, on voit dans Surat Tawba, par exemple, dans le premier verset dans Surat Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah » وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Donc il dit, c'est des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des mushrikin avec qui vous avez conclu un pacte, un pacte de paix. Parcourez la terre pendant 4 mois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait briser le pacte avec eux, il leur a donné 4 mois pour les informer. Ça y est, dans 4 mois, le pacte qu'on a entre nous et vous, il va s'annuler, ce pacte. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'entente de paix. Donc ça, c'était pour montrer qu'il ne les a pas pris par surprise, il n'allait pas juste les attaquer comme ça du jour au lendemain. Non, il leur a dit ouvertement et clairement, voici, il y aura dans 4 mois l'annulation de ce contrat, de ce pacte. Et donc ça, c'est pour montrer, premièrement, le djihad dans l'islam, ça se fait entre deux armées, l'armée des ennemis puis l'armée des musulmans. C'est pas des choses qui se font en cachette ou en secret ou par surprise seulement, comme de la façon comme les groupes de djihadis font aujourd'hui, des petits commandos là. La méthode des gorillas puis des trucs de ce genre. Les gens qui se cachent dans les montagnes puis qui descendent comme ça. Donc ils utilisent cette méthode. Et puis, comme ils disent en Irak, oh mais non, on est en train de se défendre parce que les koufars ils sont en train de nous attaquer ou des choses de ce genre. Et souvent ça m'a surpris de voir cet argument-là de la part de ces gens-là parce que en réalité on voit que l'agression et le combat, c'est souvent c'est ces groupes de takfir et ces groupes de djihadi qui le commencent. Parce qu'ils ne veulent pas arrêter le combat. Ils veulent tout faire pour que la fitna continue, pour que les choses ne s'arrangent pas et pour qu'ils continuent à que les choses ne s'arrangent pas pour continuer à semer le désordre. Et ils s'imaginent à la fin que c'est eux qui vont avoir le pouvoir. Et là, entre groupes, ils se tuent les uns les autres et en passant, en même temps, ils tuent des innocents. Et une fois même, il y avait un jeune Saoudien qui avait été avec eux une fois, puis qui a fait Tawba par la suite. Et quand il était parti là-bas, il a été envoyé dans une mission, soi-disant, ils l'ont envoyé dans une mission pour aller faire quelque chose. Ils lui ont dit, prends le camion, puis va à telle place avec. C'est un camion d'essence, il y avait plein d'essence dedans, ou quelque chose comme ça, mais ils lui ont même pas dit qu'il y avait une bombe dans le camion. Donc il est parti avec le camion, avec l'essence et tout, et puis tout d'un coup, il était suivi derrière lui ou quelque chose comme ça. Après tout d'un coup, il y a eu l'explosion. Et lui, il a été épargné, il n'est pas mort, mais il a été brûlé, il a été brûlé par la suite, je pense qu'il a été blessé, mais il n'est pas mort. Mais c'est pour dire que lui-même, il a dit par la suite, ces gens-là, ils m'ont trahi, ils m'ont utilisé, ils m'ont menti, hein, ils m'ont fait croire des choses que ce n'était même pas vrai. Hein, il l'avait même pas informé de qu'est-ce qu'il portait dans son camion, de bombe ou quoi que ce soit. Donc c'est comment ils utilisent les gens. Une fois que les jeunes qui arrivent là-bas, ils pensent qu'ils vont aller faire quelque chose pour l'islam. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qui se passe dans ces choses-là. Et il y a des gens qui sont soi-disant à la tête de ces groupes. Et quand ils décident d'envoyer quelqu'un faire quelque chose, ils lui disent pas qu'est-ce qui se passe. Et puis ils vont faire exploser et des bombes quelque part, tuer des innocents sans même avoir aucune référence ou quoi que ce soit par rapport à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Donc c'est pour vous faire comprendre que ça, c'est pas le djihad. Qu'est-ce que ces gens-là font au nom de l'islam et au nom du djihad, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, dans l'islam, le combat, il doit être fait de façon ouverte et claire. C'est pas quelque chose qui est fait en secret ou en cachette ou par surprise, hein. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parcourez la terre donc pendant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les mouchriquins. Hein, parce qu'ils étaient partis, Ali et Abu Bakr, radiallahu anhuma, à la Mecque, lors du Hajj, avant, lors du Hajj, je pense que c'était la 9e année, pour aller dire aux mouchriquins que c'est fini, à partir de cette année, il n'y aura plus vous pourrez plus venir adorer à la. Les mouchriquins ne vont plus pouvoir venir faire le Hajj et faire le tawaf nu, ainsi de suite. Ça, il n'y en aura plus après ce jour-là. Et que l'entente sera finie l'année d'après, dans 4 mois ou ainsi de suite. Et ensuite, à l'exception, Allah dit, et à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Donc ça veut dire les gens qui ont respecté parmi les mouchriquins, qui avaient respecté leur pacte et qui n'avaient rien manqué de leur pacte, et ainsi de suite, de respecter l'entente convenue avec eux. Hein, qui n'avaient, de respecter l'entente convenue avec eux, dans le sens que s'ils avaient une entente qui était plus longue et qu'ils avaient respecté leur côté du pacte, de ne pas briser le pacte dans 4 mois, de le continuer jusqu'à la fin du terme qui était prévu dans le contrat. Donc ça, c'est des exemples, des règles par rapport à ça, du fait que quand des koufars ont des ententes de paix avec les musulmans doivent respecter cette entente de paix-là, excepté s'il y a une trahison de la part des koufars ou qu'ils manquent ou qu'ils trahissent leurs paroles. Dans ce cas-là, le contrat sera annulé par la suite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait considéré que le fait que Khuza'a avait combattu Bani Bakr, que c'était une annulation de leur entente et de leur contrat, et donc par la suite il a combattu ces gens-là. Et il mentionne le verset 4 dans Sourate Tawba qu'on a mentionné juste maintenant, sauf à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Donc tous les pays des koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Ces gens-là sont protégés par l'entente de paix qui existe entre eux et les musulmans. Et c'est le cas actuellement dans le monde musulman. Il n'y a pas de pays musulmans qui ont déclaré la guerre à aucun pays non musulman dans le monde. Donc, les États, c'est les chefs des États qui décident ces choses-là. Et puisque c'est le cas, donc, il n'y a personne qui est justifié de faire une agression ou une attaque contre un non-musulman. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui tue un non-musulman qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Hein? Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Le shaykh, il dit ensuite, وابن القيم في الهدي النبوي وما بعدها بحث خلاصته أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووجد من المهاجرين والأنصار أنصارا وأن الله تعالى أذن له ولأصحابه في القتال لم يفرض عليهم فرضا فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم فرض عليهم بعد ذلك قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ثم قال اوكي دونك Oui, ثم قال كان محرما ثم مأذونا فيه ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين وإما فرض كفاية على المشهور والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية وأما الجهاد بالمال ففيه قولان والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به بالنفس وبالنفس سواء كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم donc alhamdulillah ça c'est un autre point qui est très important et très clair donc le cheikh il dit que l'imam ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah il est dans al-hadj al-nabawi et il parle du livre qui s'appelle Al-Hadyu Nabawi. Je pense qu'il fait référence à Zadul Ma'ad, d'après ce que je vois, parce que c'est les paroles de l'imam Ibn Qayyim dans Zadul Ma'ad, mais il appelle Al-Hadyu Nabawi. Peut-être que c'est un autre nom du même livre. En tout cas, il dit il y a une recherche ou une étude qui a été faite par l'imam Ibn Qayyim à ce sujet-là. Il dit que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses compagnons ont fait la hijra. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivé à Médine, il a trouvé avec lui les muhajirines et les ansars. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à lui ainsi qu'à ses compagnons de combattre, mais il ne leur a pas imposé. Il leur a seulement donné la permission de combattre lorsqu'ils sont combattus, mais il ne leur a pas imposé au début. Donc, il mentionne à ce sujet-là le verset 39 dans Sourate Al-Hajj. Donc, le verset 39 dans Sourate Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Allah est certes capable de les secourir. » Donc, ça c'est le premier verset qui parle à ce sujet-là, qui donne la permission à ceux qui sont lésés ou ceux qui sont attaqués de se défendre, hein, parce qu'ils sont lésés. Donc, ça c'est le premier. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé ou a ordonné le combat contre ceux qui les combattaient seulement, et non pas contre ceux qui ne les combattaient pas. Et ça c'est dans l'autre verset qui dit « قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ » Ça, c'est le verset 190 qu'on a lu au début dans Surat al-Baqarah. Et combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent. Puis, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé le combat et a ordonné le combat contre tous les mushrikines sans exception. Et ça c'est dans le verset 36 dans sourate At-Tawbah, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Donc ça c'est le dernier verset qui est venu à ce sujet-là, hein, dans sourate At-Tawbah. Donc le cheikh il dit, il continue la citation de Ibn al-Qayyim. Il dit ensuite, il explique que donc au début à Mecca le combat était haram, c'était interdit. Ensuite ça a été, on a reçu la permission de le faire, mais c'était pas obligatoire. Ensuite on a eu l'ordre de le faire pour, contre celui qui commence à nous combattre, c'est-à-dire contre celui qui nous agresse en premier, c'est-à-dire c'était uniquement permis en cas de défense. Ça c'est en troisième, hein? Et en quatrième l'ordre est venu pour qu'on combatte contre tous les mouchriquines sans exception, excepté bien entendu ceux qui ont une entente de paix avec les musulmans ou bien ceux qui paient la jizya. Et le cheikh il dit soit que c'est quand on dit que c'est obligatoire le combat contre les mouchriquines, soit que c'est fard ayn ou fard kifaya, hein? C'est-à-dire fard ayn, ça veut dire qu'est-ce qui est obligatoire à chaque musulman individu, et fard kifaya, qu'est-ce qui est obligatoire à une portion des musulmans seulement qui est suffisante. Et quand une portion ou une quantité suffisante de musulmans ont rempli leurs devoirs et leurs obligations, alors dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour le reste. Ça devient seulement recommandé de le faire pour le reste. Donc ça, c'est à ce sujet-là. Et ça, c'est le plus connu, c'est que c'est fard kifaya. C'est fard kifaya, ça c'est le plus connu. Le cheikh, il dit toutefois, qu'est-ce qui est correct, ou la vérification qui a été faite à ce sujet-là, c'est que quand on parle du djihad en lui-même, le djihad en tant que tel, il est en lui-même obligatoire à chaque individu, dans le sens que il est obligatoire soit de le faire par le cœur, soit par la langue, soit par les biens ou par la main, pour tous les musulmans sans exception. Hein? C'est-à-dire que le djihad, comme le cheikh l'a dit, c'est obligatoire de le faire par une de ces quatre catégories-là. Et dans ce sens-là, c'est obligatoire à chaque individu parmi les musulmans. Toutefois, le djihad qui est avec la personne, quand on va combattre avec les armes contre les koufars, ça c'est pas obligatoire pour chaque individu, c'est uniquement obligatoire pour une partie qui est suffisante des musulmans, fard kifaya comme on dit, ok. Et c'est plus obligatoire par la suite pour le reste si une partie suffisante des musulmans l'ont fait. Et ensuite il dit, et en ce qui concerne le djihad avec les biens ou avec l'argent, est-ce que c'est obligatoire pour chaque individu? Il dit, est-ce que c'est obligatoire aussi? Et comme il dit, amma jihadul mal fa fihi qawlan, est-ce que c'est fard ayn ou fard kifaya, le djihad avec les biens? Il dit, il y a deux positions à ce sujet-là. Et qu'est-ce qui est correct, la bonne position à ce sujet-là, c'est que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est relié au djihad avec la personne et c'est à égalité, donc ce serait considéré à égalité avec le djihad avec notre personne, le djihad armé avec notre personne. Et il mentionne le verset à ce sujet-là dans le verset 41 dans sourate Tawbah. Le verset 41 dans sourate Tawbah qui dit: Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum bi anfusikum fi sabilillah. Ça dit, léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. D'accord? Donc, alhamdoulilah, à ce sujet-là, c'est quelque chose qui est clair. Ok. Et donc, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim. Donc le djihad avec le cœur, djihad avec la langue, djihad avec les biens, djihad avec la main. La base, bien entendu, à la base, c'est le djihad avec le cœur. C'est la base du djihad parce que il faut lutter, hein, et forcer soi-même à s'écarter du haram, à faire ce qui est yani, obligatoire, à s'écarter du mal, ainsi de suite. Puis aussi à forcer soi-même les quatre degrés du djihad, djihad al-nafs, djihad bil-qalb, aussi le djihad avec le cœur, c'est de forcer soi-même à faire son cœur à. Yani de faire le bien de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester loin du mal. Et le djihad avec la langue, c'est yani, les ulama, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils disent et lorsqu'ils expliquent la vérité. Comme par exemple ce livre du Cheikh Ahmed al-Najmi, qui réfute des fausses idées contre les gens de Bid'ah et qui clarifie la vérité par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une des plus grandes formes de djihad dans l'islam. C'est pour ça qu'on dit que les ulama de l'islam, les ulama d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a sont des mujahidines, et en fait sont les plus grands parmi les mujahidines, parce qu'ils réfutent les bid'ah et ils réfutent les déformations des gens qui suivent l'égarement. Donc ils sont en train de défendre les frontières les plus importantes de l'islam, c'est-à-dire qu'est-ce qui a rapport avec la connaissance et le savoir. Et le djihad que les savants font, personne ne peut le faire excepté eux. C'est-à-dire le djihad armé contre les non-musulmans, contre les koufars et tout, ça tout le monde peut le faire, qu'il soit pieux ou pervers, ou qu'il soit savant ou ignorant, tout le monde peut le faire. Mais le djihad contre les munafiqins et le djihad contre les gens de bid'ah, ça c'est seulement les savants de l'islam qui sont capables de le faire. Et c'est un djihad qui demande la science. Donc les savants sont privilégiés, sont plus élevés dans leur degré que quiconque en dehors d'eux. Parce que le djihad qu'ils font, personne ne peut le faire excepté eux. Hein? Et ça montre la grandeur et l'importance des ulama dans l'islam. Ensuite, bien entendu, les autres catégories de djihad qui viennent aussi, le djihad par la main, il y a des grandes récompenses et des grands biens qui ont été mentionnés par Allah et son messager à ce sujet-là, d'accord? Et ça, c'est quand le djihad est fait dans les règles et qu'il est légitime, et qu'il est officiel et légitime. Donc, le cheikh, il dit, « نَقُولُ لِفَضِيلَةِ الْمُسْتَشَارِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُ فَمَا مَعْنَى قِتَالُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكُفَّارِ وَتَكْثِيفِهِ لِلسَّرَايَا وَالْغَزَوَاتِ حَتَّى دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وفي بداية المجتهد الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلا ما وراء مالك أنه قال لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا ولا الترك لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروا الحبشة ما ذرتكم وقد سئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك وقال لم يزل الناس يتحامون غزوهم وقد أراد المؤلف بقوله فاتفقوا على أنهم جميع المشركين أي بما فيهم أهل الكتاب لأن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين فالنصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله وداخلون في اسم الكفار لأنهم كفروا بوحدانية الله وكفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن والضمير في قوله وقاتلوهم يعود على جميع الكفار بدليل قوله في الآية التي قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وبدليل استثناء الحبشة والحبشة مسيحيون Ok. Thumma qal inna ba'da al-kutta. Ok. Bon. Là, ici, le cheikh, il explique, il dit, on dit au conseil, à ce conseiller, al-Buhansawi, si ce que vous prétendez est vrai, et si ce que vous dites est tel que vous le dites, alors pourquoi, dans ce cas-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu les kuffars? Et pourquoi il a pris les prisonniers et il a fait les expéditions et les guerres, hein, jusqu'à ce que tous les hommes entrent dans l'islam en entier, dans la religion d'Allah? Donc, dans ce cas-là, c'est vrai, c'est une question qu'on doit lui poser. Et si vous prétendez ça, alors dans ce cas-là, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les choses de cette manière, hein? Donc, il mentionne par la suite les paroles de l'imam Ibn Rushd dans son livre Bidayat al-Mujtahid. Dans le volume 2, il dit, lorsque l'imam Ibn Rushd parle, il parle de ceux qui doivent être combattus parmi les gens, il dit que ceux qui doivent être combattus, les savants sont d'accord que ce sont tous les mouchriquins, sans exception. À cause du verset dans Surat al-Anfal, le verset 39. Dans Surat al-Anfal, le verset 39, le cheikh il dit, oui, le verset, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Verset 39, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna. Et on a dit tout à l'heure que la fitna c'était le shirk. Et que la religion soit entièrement à Allah. Hein? Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Et vous voyez par exemple des fois les kuffars qui disent, ouais, mais pourquoi vous voulez imposer par exemple votre religion aux autres, hein? Pour vous c'est la vérité, mais c'est pas la vérité pour tout le monde, ainsi de suite. Et bien entendu, ça c'est une parole qui est contradictoire et absurde, parce que si quelque chose est vrai pour une personne ou pour deux personnes ou plus, et si c'est la vérité pour une personne et que c'est la vérité réellement, elle doit être vraie, cette vérité-là, pour tout le monde. Si une vérité n'est pas vraie pour tout le monde, alors dans ce cas-là, c'est pas une vérité. On ne peut pas dire que c'est la vérité. Hein? Donc, la question à savoir, Yanni, est-ce qu'on veut que tout le monde nous suive et que tout le monde soit d'accord avec nous? Oui, parce que c'est la vérité. Et parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas nous qui avons inventé ça. Hein? Et même que le fait qu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala impose à tous les êtres humains de suivre cette religion-là et de se soumettre à lui de cette façon-là, c'est déjà ça en soi une preuve que c'est la vérité. Parce que si vous regardez toutes les autres religions dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles enseignent? Ou qu'est-ce qu'ils disent, les gens qui suivent ces religions-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tout le monde a sa vérité, tout le monde a sa religion, tout le monde est libre de suivre qu'est-ce qu'il veut. Sauf l'islam. L'islam dit, vous êtes obligé de suivre la vérité. Et vous n'avez pas le droit de suivre le mensonge, hein, ou de suivre autre chose que qu'est-ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça en soi déjà, c'est un signe clair, c'est une preuve claire que c'est la vérité, hein. Puis qu'on l'impose même de cette façon-là par la force, dans le sens que, quand on dit par la force, dans le sens qu'on impose par la force, dans le sens que toute barrière, toute chose qui va empêcher les gens de recevoir le message clair de l'islam doit être annulée, empêchée, ou écartée. Toute barrière ou empêchement doivent être mis de côté. Et aujourd'hui, on remarque que les koufars sont en train de faire le djihad. C'est les koufars aujourd'hui qui sont en train d'appliquer les règles du djihad contre les musulmans quand ils veulent imposer leur système laïque et démocrate. Pour eux, le fait de vouloir imposer aux gens la démocratie, la laïcité et les droits de l'homme, pour eux, ça c'est quelque chose qui justifie même le combat et l'agression militaire contre une autre nation. Donc ça prouve qu'ils sont en train d'essayer d'appliquer contre les musulmans les règles du djihad que nous les musulmans appliquons par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est ce qu'on observe dans la réalité. Hein. Tandis que eux, ils appellent pas les gens au tawhid, ils appellent pas les gens à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon il n'y aurait pas de problème dans ce sens-là, puisqu'il serait en train d'établir la religion d'Allah sur la terre et d'ordonner aux gens le bien et d'interdire aux gens le mal. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas ça. Ils sont en train d'établir dans le monde, et même avec la force militaire, ils sont en train d'établir le système de kufr, un système de shirk qui impose aux gens le mal et qui interdit aux gens le bien. Donc c'est un peu absurde, un petit peu, comme on dit, paradoxal la situation, quand on voit leur attitude et qu'ils critiquent les musulmans pour le djihad, alors qu'eux, ils sont en train de faire la même chose au nom de leurs principes. Hein. Donc il y a quand même une attitude un petit peu bizarre de leur part, là, quand on les voit agir comme ça. Quand ils sont en train de vouloir imposer aux différentes nations, aux différents peuples musulmans, leur système à eux, tout est légitime, tout est correct. Hein? Mais quand c'est dans le sens de vouloir expliquer et clarifier le djihad et la réalité du djihad, que c'est pour établir la religion d'Allah et pour détruire le shirk sur la terre et annuler le shirk sur la terre, ils ne sont pas d'accord. Bon. C'est pas surprenant qu'ils ne soient pas d'accord puisqu'ils ne sont pas des croyants. Mais c'est juste pour vous faire comprendre leur attitude contradictoire. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, ça c'est le verset que le cheikh a mentionné quand il dit que c'est ceux-là qu'on doit combattre dans les paroles de Ibn Rushd. Ensuite, il dit, sauf qu'est-ce qui a été rapporté selon Malik, qu'il a dit que c'est pas permis de commencer le combat ou commencer la guerre contre les Habashas, c'est l'Éthiopie. Et les Turcs, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà Turc. Mais il dit, ça c'est parce que c'est par qu'est-ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisser Al-Habasha tant qu'il vous laisse. Et on a demandé à Malik au sujet de l'authenticité de cette narration et il ne l'a pas reconnue. Ensuite, le cheikh il dit, وقد أراد المؤلف بقوله واتفقوا على أنهم جميع المشركين. Il dit, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, et l'auteur Ibn Rushd dans Bidayat al-Mujtahid, quand il dit que les savants sont tous d'accord que ce sont tous les mushrikines qui doivent être combattus, il veut dire par là tous les mushrikines en entier, y compris les gens du livre, c'est-à-dire y compris les gens du livre. C'est-à-dire que les gens du livre entrent dans le terme mushrikin, eux aussi. Parce que les chrétiens disent que le Messie, hein, Issa, c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que les juifs, eux, disent que Uzair est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils rentrent dans la définition des koufars. Et aussi parce que le fait qu'ils ont renié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont mécru en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont nié qu'il était un prophète. Et ils ont aussi mécru au Coran. Donc, ils sont inclus dans la définition de ceux qu'on décrit comme étant des mushrikines. La seule différence à leur sujet, c'est que eux ont le choix de payer la jizya s'ils veulent pas accepter l'islam. Donc ça c'est à ce sujet-là. Donc ils font partie des mushrikines. Et après le cheikh il dit et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit waqatiluhum, lorsque Allah dit et combattez-les, eh ben ça comprend tous les koufars. Et la preuve de ça, c'est qu'est-ce qui est dans le verset qui précède ce verset-là, dans sourate Al-Anfal, le verset 38 et 39. Donc dans le verset 38 et 39 dans sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, ils seront s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils récidivent, ils seront châtiés à l'exemple de leurs devanciers et combattez-les jusqu'à ce qu'ils subsistent. Jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de fitna, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de shirk, et que la religion entière soit que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Donc, ça c'est la preuve. وبدليل استثناء الحبشة والحبشة مسيحيون. Donc c'est ça. Et il dit pour terminer, il dit et également avec la preuve de l'exception des Habasha et al-Habasha, ce sont des chrétiens. Les Éthiopiens sont des chrétiens. Après, il dit ثم قال إن بعض الكتاب لم يفهم معنى آية الجزية وأخذ منها حكما عاما. Donc nous on a expliqué tout ça jusqu'à maintenant, et là le chef il rentre dans la question encore une fois de la jizya par rapport aux gens du livre, et il mentionne une autre shubha de Al-Buhansawi à ce sujet-là. Donc étant donné qu'il rentre dans un autre sujet, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain on continuera la suite de cette réfutation-là à partir de ce point-ci, inshallah. J'espère que qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui a été assez clair, et que ça, inshallah, que ça va vous aider à comprendre un peu plus la question du djihad. Et bien entendu, il y a des gens qui comprennent pas le sens du djihad dans l'islam et tout, et il y en a qui essaient de déformer la signification, mais bien entendu, il faut juste essayer de bien comprendre comme il faut la signification de ces choses-là dans l'islam, et éviter de tomber dans les extrémismes, hein, comme les gens qui nient ou les gens qui exagèrent et qui sont dans les extrêmes à ce sujet-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous on doit juste affirmer ce qu'Allah a affirmé, croire en ce qu'Allah nous a ordonné de croire, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, et le reste, qu'est-ce que les koufars eux pensent de ça, ça c'est leur problème, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous, hein, ou de toi, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent de notre part, c'est qu'on soit d'accord avec eux dans leur kufr et dans leur shirk. Et ils ne seront jamais satisfaits tant qu'on ne sera pas des chrétiens ou des juifs comme eux. Donc nous, alhamdulillah, on est des musulmans, on a notre religion, on a notre Coran, on a la sunna, on a l'exemple des sahaba, ainsi de suite. Et c'est ça notre religion. Que ça plaise aux kuffars, que ça plaise pas aux kuffars, ça c'est pas notre problème. Hein? Nous, on suit la religion d'Allah, peu importe qui pourrait être contre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on va terminer avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, à propos des gens qui l'aiment, il dit وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَأَمْ. À propos des gens qui aiment Allah et que Allah aime, il dit qu'ils ne craignent pas le blâme d'aucun blâmeur. Ils ne craignent le blâme de personne quand il est question d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc quand il est question d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne craignent le blâme de personne. Que ce soit des musulmans, des mubtadi'a, ou que ce soit des takfirines, ou des djihadis, ou des takfiris, qui veulent faire peur aux gens, hein, les empêcher de dire la vérité contre eux, ou bien que ce soit des kuffars qui veulent nous empêcher de dire la vérité à propos d'Allah et de son messager, ou que ce soit quiconque en dehors de ça, nous on ne craint personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Et alhamdulillah, il y a nos ulama qui nous expliquent, qui nous clarifient la signification de la religion d'Allah, et on retourne à eux pour avoir nos compréhensions de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakum Allahu khayran, wa barakallahu fikum.